invités ainsi que de son personnel, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Grand Salon Théocentrique pour cette conférence de Daniel Kemp. J'aimerais vous rappeler qu'il est interdit de fumer et de prendre des breuvages à l'intérieur du salon. Si vous désirez fumer pendant la conférence, le centre met à votre disposition la salle d'accueil où vous pourrez assister à la conférence en direct sur moniteur vidéo. Pour la première partie de la conférence, Daniel sera interviewé par Guy Camiré. Lors de la deuxième partie, vous pourrez poser vos questions par écrit à Daniel, qui se fera un plaisir d'y répondre. Vous trouverez à cette fin des petites feuilles et des crayons sur les tables de la salle d'accueil. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, accueillons comme il se doit Daniel Kemp, accompagné de Guy Camiré. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Quoi? Ce soir, on réaborde le verso, mais sous l'angle, un angle nouveau, qui est l'angle des techniques nouvelles en rapport avec le verso. Techniques nouvelles, pourquoi, Daniel? Parce que l'homme est nouveau, d'abord, disons. Oui, ça ne pose pas des questions quand tu donnes la réponse. Bon, OK, je continue. Bon. Second souffle. Le second souffle, ce serait, ben, s'il y a des techniques, l'homme du verso va être en dehors de la mémorisation qu'on connaît. Donc, comment peut-il se servir d'une technique, sinon que ce soit sous forme de d'arc réflexe qui soit mental, disons? Bon, justement, premièrement, on a des techniques qui vont développer chez l'homme des actes réflexes qui sont psychologiques, comme on a connu dans l'évolution piscéenne, dans l'évolution de l'ère du poisson, c'est-à-dire d'aujourd'hui à l'âge v'là 2000 ans. Et dans l'ère du Verseau, l'homme devra développer des techniques qui vont engendrer chez lui des réflexes mentaux. Maintenant, la différence entre un réflexe psychologique et un réflexe mental, elle est énorme. Le réflexe psychologique vous oblige, vous manipule à faire quelque chose inconsciemment. C'est-à-dire que vous, mentalement, vous n'êtes pas averti de quelque chose et vous faites immédiatement, vous répondez à un réflexe psychologique. Alors, lorsque quelqu'un vous insulte, il se passe quelque chose qui est un réflexe psychologique. Certaines personnes, à la vue du sang, perdent connaissance, d'autres se sentent faibles, d'autres vomissent, d'autres partent à rire. Ça dépend de l'évolution de chacun. C'est un réflexe psychologique. Le réflexe mental, il a de différent qu'il va, comme une histoire, comme... pas comme un proverbe, mais... Disons qu'au dans le PMC, on appelle ça un axiome. Ça va simplement engendrer chez la personne... Ça met en marche des mécanismes qui permettent à l'homme de prendre conscience de l'événement, de l'état de cet événement, la qualité, la vitesse avec laquelle passe l'événement, sa situation dans l'événement, ça éveille l'homme. Et lorsque l'homme sait ce qui se passe mentalement, l'homme, s'il a été conditionné mentalement à réagir dans certaines situations, étant donné que ces situations... disons, vu l'état de conscience de l'homme nouveau, demande une action rapide, mais que cet homme nouveau n'est pas en relation, en contact avec l'énergie supramentale, disons globalement. Cet homme n'a pas développé son double éthérique. L'homme devra réagir promptement avec, chez lui, une habitude à se servir de ses mémoires d'intervention, chose qu'il va développer dans l'ère du Verseau. La mémoire d'intervention, elle existe présentement chez l'homme conventionnel, mais c'est quelque chose qui est minime, qui est en phase de développement et qui va se développer chez l'homme. Lorsque l'homme a un réflexe mental, quelque chose se passe, il a appris que ce genre de choses pouvait exister. Prenons l'exemple d'apparition d'un fantôme. Certains n'y croient pas, mais ceux qui n'y croient pas ne sont pas préparés à rencontrer un fantôme. C'est ceux qui sont le moins préparés. Ceux qui y croient énormément et qui en ont peur ne sont pas préparés. Ceux qui y croient et qui espèrent en rencontrer ne sont pas préparés. Mais l'homme qui a appris que certains phénomènes peuvent exister dans l'univers humain, mais qui ne les recherche pas, un fantôme peut et peut ne pas. Mais l'homme qui a été instruit de ce genre de choses et qui envisage par la connaissance, disons, intellectuelle ou par la connaissance théorique, comment certaines choses agissent? Quels sont les mécanismes qui permettent à certains phénomènes de s'exprimer, de manipuler l'homme, d'agir dans un événement, d'être présent sur la planète? Lorsque l'homme connaît certaines choses, il peut apprendre comment agir envers ces choses. Et lorsque l'événement amène une apparition fantomatique, par exemple, l'homme n'a pas peur. Ça, c'est un réflexe psychologique. L'homme n'est pas content. Ça, c'est un réflexe psychologique. L'homme ne perd pas connaissance. C'est un réflexe psychologique. Par contre, si l'homme a un réflexe mental, l'homme, en observant l'apparition du fantôme, automatiquement, il va se faire brancher par son réflexe. Au lieu de réagir par un sursaut, il réagit par une étude logique de ce qui se passe. C'est un réflexe. Vu que l'homme n'a pas le contact supramental qui lui permet l'intelligence immédiate, c'est-à-dire la connaissance instantanée sans expérimentation du fantôme, il doit donc être averti avant que le fantôme existe, parce que l'homme reste encore dans un esprit mentalo-psychologique d'expérimentation. Mais s'il a un réflexe mental, au lieu que cette apparition réveille chez lui des degrés d'expression psychologique variée, cela va réveiller chez lui une expression mentale analytique. Alors, on va dire, quelque chose de terrifiant est apparu devant un homme, et c'est pas un humain, il a pas eu peur. Bon, si c'est pas un humain, il a pas eu peur, je pense préférable qu'on ne soit plus humain. S'il faut absolument être comme les autruches pour être humain. Le réflexe mental va se développer chez l'homme au fur et à mesure que le temps va avancer, que l'humanité qui est dans une phase de conscientisation, l'humanité à qui on permet la conscientisation, parce qu'on permet et on défend la conscientisation à certains humains. On a les 4/5 de la planète qui voient cette conscientisation interdite, et on a le reste de la planète qui peut aborder cette conscientisation. Alors, ce qui fait qu'au niveau de techniques nouvelles, tu parlais du phénomène mental, par rapport au phénomène psychologique, au phénomène astral. Alors, il est évident que l'homme devra développer. Voyez-vous, il va venir un temps où l'homme n'aura plus besoin de technique. L'homme va vivre. L'homme va vivre instantanément. L'homme va être. Et l'homme va être rien. L'homme va être. En attendant d'en arriver là, l'homme est obligé de se construire un cadre d'évolution, une lignée, un chemin. L'homme est obligé de se construire une base qui essaie de ressembler le plus possible à la réalité, réalité qui est imperceptible par l'homme parce que l'homme la colore. L'homme l'aperçoit, la réalité, mais l'homme n'en a pas conscience parce que l'homme a conscience de la coloration de la réalité. L'homme prend une photo de la réalité et elle se trouve à être inversée chez lui. Alors l'homme appelle cela la réalité et cette réalité inversée, cette coloration de la réalité, c'est ce que nous appelons la vérité. Et la vérité, elle existe différemment chez chaque individu. De ce fait, la vérité n'existe pas, parce que la vérité, c'est une farce. La réalité, c'est que lorsque l'homme sera en contact avec l'énergie supramentale, il n'aura plus besoin de technique. Mais en attendant, comme je vous dis, l'homme doit se construire une base. Et cette base se doit... Et elle se doit réellement, c'est important, elle se doit de suivre l'évolution de l'homme qui marche sur la base. C'est pourquoi on aborde ce soir technique nouvelle pour l'homme nouveau. L'homme nouveau. Et que fait l'homme nouveau de différent de l'homme ancien? Rien. Il se bat avec des techniques nouvelles, peut-être, mais il se bat. Ça, c'est ancien. Tout ce que l'homme présentement fait est toujours basé sur ce que l'homme a fait. Et l'homme arrive à un point où il est un être nouveau. Bon, je vais secouer certaines personnes. Je vais boire avant. Bon, c'est bien simple. Regardez bien que présentement, certains d'entre vous viennent d'être manipulés. J'ai réussi à susciter chez plusieurs d'entre vous quelque chose. Simplement parce que j'ai dit « je vais vous brasser ». Et c'est un réflexe psychologique qui automatiquement s'est mis en marche. Et si moi je connais tous vos réflexes psychologiques, Vous êtes mes esclaves. Total. Je peux vous faire laver mes planchers, je peux vous faire faire n'importe quoi si je connais vos réflexes psychologiques. Je sais qu'en faisant ça, vous faites ça. C'est un réflexe. Alors, connaissant les réflexes de l'homme, je peux faire les gestes qu'il faut pour que l'homme fasse ce que je veux. Et tant que l'homme aura des réflexes psychologiques, il sera manipulable par la politique, par tout ce qui existe sur la planète, ce que nous appelons l'astral planétaire, l'astral collectif, la psychologie humaine. Par la publicité, par l'éducation, par la morale, par le racisme, tout. Lorsque l'homme dévoile ses réflexes psychologiques, ce que l'homme fait régulièrement, il s'assujettit à être manipulé. Le réflexe mental ne sert à rien d'autre que vous avertir que présentement vous êtes dans telle situation. C'est tout. Alors, prenons l'exemple du réflexe mental. Je vais vous brasser. Automatiquement, il se passe quelque chose d'autre chez vous. Il se passe rien psychologiquement. Vous n'êtes pas manipulé par ce que je viens de dire. En réalité, quand vous êtes manipulé par ce que je dis, vous êtes manipulé par vos réflexes, pas par ce que je dis. Moi, ça ne me regarde pas. Je l'ai dit, la colonne ici, elle n'a pas bougé, la table n'a pas bougé, elle n'a pas de réflexe. Ça vous regarde. C'est vos réflexes et vous vous permettez d'être manipulé. Le réflexe mental aurait simplement analysé soi. Il faut faire attention. On a l'intellectualisme qui n'est pas le réflexe mental, qui n'est pas de la mentalisation, qui est de l'ajustement théorique d'une réalité fracassante vis-à-vis le concept que l'ego avait déjà anticipé de l'événement. Très philosophique, j'aurais pu dire ça à l'université, remarquez bien. Le réflexe mental, il va faire simplement que l'homme va essayer de percevoir dans quel événement il est et il va rechercher à entrevoir d'où va venir le bouleversement, mais sans avoir peur du bouleversement. Et tous ceux qui ont réagi ont eu peur du bouleversement à des degrés variés. Et lorsque l'homme a peur de quelque chose, il est manipulable. Lorsque l'homme envisage d'attendre d'une façon sereine la chose, sans espérer la chose, sans craindre la chose, sans juger la chose, l'homme n'est pas manipulable. Je dis le feu est pris, vous partez pas en courant. Vous analysez. Le feu pas pris, vous restez là. Le feu est pris, vous allez agir. C'est un réflexe mental. Le réflexe psychologique va faire que si une personne dans le coin ici se met à crier qu'elle aperçoit des rats et qu'on voit des choses bouger, mais on ne sait pas c'est quoi, il risque d'y avoir une panique. Mais tous ceux, la grande majorité qui vont réagir à la panique, n'auront pas vu les rats. Ils suivront l'onde astrale émise par les quelques personnes qui les premières réagissent. Ceux-là émettent une vibration qui est enregistrée dans la salle et qui est perçue par l'ensemble. Et c'est ça l'astral collectif, et c'est de cette façon que l'homme est manipulé. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas savoir, à cet instant précis où il se passe quelque chose possiblement de dangereux, vous voulez vous sauver. Y a-t-il du danger? Je m'en fous, je veux me sauver. Puis là, il y en a 8-9 qui se font piétiner en sortant ici, qui meurent. Et après, il n'y avait pas de rats. Et s'il y avait des rats, ça ne change rien. Les rats, ils se sont tous écrasés en sortant par le trou là-bas, tout avec, ils avaient peur des humains. La manipulation, c'est ça. Technique nouvelle pour l'homme nouveau. J'aimerais que vous leviez la main. Ceux qui croient être faire partie de l'homme nouveau. Ceux qui croient faire partie de l'homme nouveau, j'aimerais ça que vous leviez la main. Alors, c'est pas à moi à préciser. Alors, il y aurait 3 hommes nouveaux dans la salle. Je vais boire. Qu'est-ce qui peut motiver l'être humain à venir à une conférence de techniques nouvelles pour l'homme nouveau s'ils ne sont pas des hommes nouveaux? Est-ce que de temps en temps, vous allez à des réunions sur la bourse? Non, parce que vous n'êtes pas dans la bourse. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'allez pas à des réunions de mécaniciens parce que vous n'êtes pas mécanicien. Technique nouvelle pour l'homme nouveau, vous êtes ici. Et vous m'affirmez que vous n'êtes pas des hommes nouveaux. J'ai entendu dans la salle, il faudrait que je définisse ce qu'est l'homme nouveau. C'est à moi de définir le cadre de l'homme nouveau. C'est à moi. Donc, c'est à moi de définir les paliers d'évolution et de vous placer sur un étage ou sur l'autre. C'est ça que ça veut dire. Il faudrait que je définisse ce qu'est l'homme nouveau. C'est pas à moi de définir dans quel état d'évolution vous êtes, à quel palier de conscience vous êtes. C'est à vous de vous arranger. Qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau? On en parle depuis longtemps. C'est simple ce que c'est l'homme nouveau. C'est celui qui est capable de regarder vers l'avenir. C'est pas compliqué. Si on clarifie un petit peu, l'homme nouveau, c'est pas celui qui est déjà transformé, c'est pas le surhomme. Mais l'homme nouveau, c'est celui qui tend, non consciemment ou consciemment, à devenir ce surhomme. Pas de Superman. L'homme nouveau, c'est celui qui est capable d'accepter les choses nouvelles. Ça, l'homme nouveau. C'est simple. C'est vachement simple. Celui qui n'est pas capable d'accepter les choses nouvelles, c'est un homme ancien. Il y en a plein sur la planète. Et celui qui est capable d'accepter de nouveaux points de vue, d'accepter des choses neuves, pas de croire à des choses neuves, c'est autre chose. D'accepter qu'une chose nouvelle puisse être réelle. Lorsque nous parlons d'énergie supramentale, ceux qui disent c'est un fou, c'est un homme ancien. Je ne dis pas que c'est un idiot, je dis que c'est un homme ancien. Celui qui dit « Ah, supramental, c'est nouveau, c'est au bout, moi je crois à ça au coton », c'est un homme ancien. C'est pas ça. La personne qui dit c'est un nouveau concept, c'est intéressant. C'est un homme nouveau. La personne qui dit oui, ça fit avec ce qui se passe chez moi, c'est un homme nouveau. Celui qui est simplement capable d'accepter que des choses nouvelles existent, c'est un homme nouveau. Maintenant, dans l'homme nouveau, il y a des hommes nouveaux pratiques, il y a des hommes nouveaux qui foirent. Normal, c'est partout. L'homme nouveau pratique tient donc à mettre en application, à étudier, à expérimenter, parce qu'on est encore dans une phase d'expérimentation, les choses nouvelles. Mais il a la faculté de discerner pour lui-même le mensonge nouveau. Et qu'est-ce que c'est le mensonge nouveau? Le mensonge nouveau, c'est pas ce qu'on dit. C'est l'affinité vibratoire qu'a ce qui a été dit avec la faculté d'être manipulé de l'homme. C'est le mensonge. Lorsqu'une chose, quelle que soit la chose, pénètre chez vous et vous manipule, c'est un mensonge. Dieu rentre dans votre cœur et vous manipule, c'est un mensonge. Alors, quelle que soit la connaissance, vous devez la comprendre. C'est plus un mensonge. Alors, l'homme nouveau est capable d'accepter des choses nouvelles. De prime abord, ça c'est le début, ça c'est l'homme nouveau. Les enfants, c'est tous des hommes nouveaux. On peut les instruire à rester anciens. Parce qu'on a peur qu'ils nous enseignent. Mais lorsque l'homme recherche une technique nouvelle, ben, il faut au moins qu'il soit placé dans l'homme nouveau. Sinon, on parlait des techniques anciennes, on parlait du yoga, on parlait du tai chi, on parlait de la méditation transcendantale, on va parler des phénomènes de tantrisme, on va parler des égrégores vaudou, on va parler de choses anciennes qui ont prouvé qu'elles étaient efficaces. Et il se trouve que partout sur la planète où l'on pratique régulièrement ce genre de technique efficace, ben c'est pas là qu'on a l'homme nouveau. C'est pas là qu'on a l'homme qui se libère des manipulations collectives. C'est pas là qu'on a l'individu humain. C'est là qu'on a l'homme massif humain. C'est là. Les techniques sont efficaces. Mais on n'a plus besoin. Elles ont été efficaces. Elles ont servi à prendre un homme massif, épais, sur tous les sens. Épais dans le plus mince. À prendre cet homme et à le raffiner. Elle lui a permis physiquement d'apparaître dans un contexte politique, dans un contexte géographique, dans un contexte énergétique, pour qu'il puisse se développer encore plus. Imaginez-vous pas que l'homme est venu au monde à l'extérieur d'un cadre particulier pour qu'ensuite il retourne dans ce cadre où il a été banni, pour ramener ce cadre-là chez lui. Pas comme ça que ça marche, l'évolution. Lorsqu'à un moment donné, une parcelle de l'humanité a suffisamment évolué avec des techniques nationales, des techniques typiques d'un pays, il est normal qu'il y ait, disons, une exportation de génétique à l'extérieur du cadre. Il est normal qu'on découvre de nouveaux pays, de nouveaux continents, comme on a fait avec les Amériques. Il est normal que l'homme s'en aille, et il est normal que dans ce nouveau territoire, que l'homme recommence. Pour que l'homme amène sa technologie de l'autre pays, que l'homme amène sa culture, que l'homme amène toutes ces choses qui viennent de chez lui. J'ai déjà dit que lorsqu'un immigrant descendait ici, il ne voulait pas s'adapter, mais il voulait plutôt amener avec lui sa culture. Alors, il amenait ses portraits de sa ville, ses livres, sa langue, ses choses, parce que on parle de notre patrimoine. De la plus grosse connerie qui empêche une société d'évoluer, le patrimoine. Ça nous permet de dire, regarde telle statue plein de chiens de mouches et d'oiseaux. Bonhomme-là, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Mais présentement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour lui? Puis qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour nous autres? Tel bâtisse a été construit en 1815 et on veut la démolir. Démolition. L'homme doit améliorer son langage, pas garder son patrimoine linguistique. Ça aura comme résultat similairement la même chose. En apparence. Mais l'homme aura fait développer son langage. Lorsqu'on a commencé à faire de nouvelles formes de cinématographie, lorsqu'on a voulu révolutionner l'art cinématographique, ça a été compliqué. Il n'y a pas grand cinéaste qui voulait qu'on révolutionne l'art de la cinématographie. C'est François Truffaut, un Français, qui a commencé, disons, les premiers à plaindre, à chialer. Et à un moment donné, on en est rendu avec des films améliorés. Lorsqu'on a voulu révolutionner l'éducation sexuelle, lorsqu'on a voulu révolutionner l'éducation religieuse, lorsqu'on a voulu révolutionner, chaque fois qu'on a voulu, à un moment donné, oublier le patrimoine pour adapter ce qui se passe autour de nous autres à ce qu'on est, on a révolutionné. Ben, c'est ce que l'homme nouveau doit faire. L'homme nouveau doit accepter des choses nouvelles. Les accepter parce qu'il les comprend, mais il ne doit pas les refuser parce qu'il ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas détruire ou nier catégoriquement, il ne peut pas prendre position s'il ne comprend pas. La majorité de nos concitoyens, lentement, s'en vont vers cet homme nouveau. Il y a des hommes nouveaux. Mais l'homme, ce qui est sans doute le cas de plusieurs ici, lorsque on demande « Êtes-vous un initié? » Immédiatement, la photo du Nazaréen, du comte de Saint-Germain ou d'un autre apparaît dans notre tête et on dit ben non. Est-ce que vous êtes un homme nouveau? Ben non. Est-ce que vous êtes... Ben qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes bon? Non. Ça, c'est l'éducation humaine, l'éducation collective. Vous n'êtes pas des hommes nouveaux, vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes rien. Et vous allez me dire, oui, mais hier, je me suis chicané, donc je ne suis pas en paix. Je me fous. Présentement, dans quel état vous êtes? Je ne veux pas savoir comment vous avez été. C'est bien évident qu'à un moment donné, vous vous améliorez. Alors, si vous prenez comme contexte d'évaluation de votre état ce que vous avez été, ben merde, vous n'arriverez jamais à penser que vous êtes quelque chose. Présentement, vous êtes quoi? C'est ça que vous êtes. Pas comment vous avez été il y a 5 minutes ou comment vous avez été hier. Présentement, vous êtes quoi? Lorsque vous vous sentez fort et je vous demande, est-ce que tu es fort? Tu te dégonfles. Oh non, fort, non. C'est sûr. Toute ton énergie s'en va pour voir si tu as été fort il y a 2 ans. Mais vu que tu t'es amélioré, tu es plus fort qu'il y a 2 ans. Alors, si pour savoir comment tu es maintenant, tu regardes comment tu étais avant, mais merde. L'homme n'arrive pas à se dynamiser, à créer cette volonté d'être. Parce que l'homme crée rien. L'homme ne fait que regarder ce qu'il a été involontairement. Et il analyse ça pour déclarer ce qu'il est présentement. Vous êtes des hommes nouveaux. La grande, grande majorité, en tout cas. Puis si je vous dis ça, c'est pour pas frustrer ceux qui tiennent encore à être minables. De diplomatie. Alors maintenant, on peut parler de techniques nouvelles. Avant qu'on parle de techniques nouvelles, il y a une affaire que je viens de voir de nouveau. Là. J'aimerais ça que tu me décortiques ça. L'homme, la réponse mentale, je veux dire, au début, là, je regardais que, mettons, je pose une question puis que je bafouille. Dans ta tête, il vient une réponse. Après ça, il y a un silence, c'est comme s'il vient une autre réponse. Puis, plus j'essaye de définir, à chaque fois, à chaque seconde, tu passes une autre possibilité de réponse. Quand dis-tu, tu parles de moi ou toi? De toi, mettons, OK. Bon, ça, cette énergie-là qui est toujours différente, qui essaye de passer, qui a des infinies possibilités. Mal pris. Oui, peut-être, toi, là. Je suis proche un peu. Je viens de faire ce que tu disais, OK. Ouais, c'est un effet psychologique, mais c'est pas grave. Si tu veux t'analyser, faut que tu t'en ailles dans la salle. Je peux pas faire ça en avant, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne qui est à l'aise dans la salle, lorsqu'elle monte ici, c'est plus elle. Alors, c'est tout à fait normal. Présentement, de toute façon, on avait déjà discuté de ça ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que tu es assis là. À un moment donné, tu n'auras plus de questions posées parce qu'au fur et à mesure que je vais parler, tu vas aussi savoir ce que je vais dire. Parce que tu vas copier l'énergie de la réponse, l'énergie, disons, auquel je me réfère pour parler, l'énergie supramentale, en même temps que moi, ce qui est le cas de temps en temps de certaines personnes de la salle. Et c'est normal. Il va venir un temps où l'échange d'informations va se faire d'une façon télépathique instantanée. D'ailleurs, la télépathie, elle est instantanée. Pour la simple raison qu'on va avoir besoin d'une personne, par exemple, qui stimule une question. Ce qui est ton travail en avant. Et une fois que c'est stimulé, l'orateur n'a plus rien à dire. Un jour, et ça paraît extrêmement... Ça peut paraître farfelu un peu, mais ça l'est pas. Un jour, tu poses une question et moi, je ne dis rien. Et au bout d'une demi-heure, tu poses une autre question et je ne dis rien. Et au bout d'une autre demi-heure, tu recommences et je ne dis rien. Parce que, au fur et à mesure que je me réponds, tout le monde se répond. Et nous avons tous la même réponse. Nous ne sommes pas manipulés. Là où est l'énergie, disons, que moi je prends pour parler, chacun y a accès. Alors toi, à un moment donné, tu poses une question et tu es relié aussi à cette énergie supramentale parce que tu es extrêmement proche de moi, de l'orateur. Tu peux être relié à l'énergie supramentale sans être proche de moi, mais il se trouve que présentement, en me posant une question, tu stimules quelque chose. D'ailleurs, on avait une affinité là-dessus. Et moi, je commence à répondre, ce qui fait que j'ai plus besoin de toi après. On l'a souvent remarqué. Mais j'ai besoin de toi. Pas pour poser des questions. Pour simplement pouvoir me permettre que t'en poses plus. Alors, si je prends un autre intervieweur, lui, peut-être, devra me poser des questions. Parce que de temps en temps, j'aurai l'impression que j'ai fait le tour et que j'ai fini. Mais avec toi, je n'ai jamais fait le tour, je peux poursuivre. De temps en temps, j'arrête pour que tu puisses parler un peu. Mais c'est pas nécessaire. Par contre, ta présence est nécessaire. Alors, c'est sûr que si tu essaies d'analyser ce qui se passe chez toi par rapport à ce qui se passe chez moi quand tu es ici en avant, ça n'a aucun rapport. Faudrait que tu sois dans la salle et tu aurais d'autres effets que tu pourrais analyser. Mais présentement, c'est tout à fait normal. Tu es... On en reparlera à un moment donné. Parce que là, sinon, tu n'auras plus de pilote quand tu vas sortir d'ici. OK, parce que c'est ce que tu dis, c'est ce que je sens. C'est que des fois, il y a des questions qui viennent parce que je les sens dans la salle. Mais il y a des fois que je sens que tu me réponds. Mais il y a des fois que je sens aussi que tu sens la même chose dans la salle. Fait que tu réponds dans la salle directement. À chaque fois, en tout cas, il y a au moins 3-4 questions que tu les vois avant que je les demande. Fait que j'ai plus rien à dire. Ce que Guy vient de dire, et le bon intervieweur a l'avantage, du moins en ésotérisme. Un intervieweur dans une salle. Et vous savez qu'il n'y a pas souvent qu'on a des intervieweurs dans des salles. À la télévision, oui. À la radio, oui. Mais c'est pas la même chose. Il doit être capable de percevoir les questions que le public se pose dans le tête pour les poser aux conférenciers. Et on n'a pas beaucoup de bons intervieweurs. Puis, je fais donc parenthèse au niveau énergétique. Et effectivement, de temps en temps, je le sens moi-même, ce qui fait que moi, je peux y aller. Et l'avantage que tu sois là, ça me permet de pouvoir répondre d'une façon, en coordonnées supplémentales. Et toi, tu captes ce qu'il y a à capter, puis moi, je le réponds, sans que tu aies posé de questions. C'est évidemment achalant pour l'intervieweur, mais c'est très efficace. OK. Je continue sur... je dirais pas sur la réponse supplémentale, mais depuis les conférences de 3-4 dernières semaines, je remarque il y a des slogans. Il y a peut-être une action, mais le reste, c'est qui sortent de tes conférences et qui reviennent souvent. Des choses qui sont comme des... Je parle pour moi, mais peut-être là, que j'interprète encore par rapport à la salle. Des phrases comme exemple que tu as dit depuis 2-3 semaines qui n'ont pas le même impact qu'avant. Exemple que t'as pas d'énergie à donner s'il y a pas de forme pour la recevoir, des choses de même. C'est des genres de choses qui me reviennent dans la semaine puis qui ne se produisaient pas dans les conférences antérieures. Tu peux-tu expliquer pourquoi il y a comme une quintessence là qui prime qui revient, qui fait un travail persistant. Bon. Lorsque je dis quelque chose et que cette chose elle est perçue, mais elle n'est pas comprise. Cette chose n'appartient pas à la personne. Puis je ne peux pas permettre qu'une personne s'en aille avec quelque chose qui n'est pas elle. C'est pas pour rien que je parle rapidement. C'est pas pour rien qu'il y a une forme d'énergie lorsque je parle. C'est pas pour rien qu'il y a d'autres choses que je dis pas. Bon. À un moment donné, la personne, elle finit par, on parle de toi, mais on peut parler de d'autres, elle finit par avoir une augmentation énergétique, ce qu'on appelle évoluer. Pas à cause de moi, à cause de sa vie. Et je suis une petite parcelle dans sa vie. Mais toute l'expérience qu'elle a finit qu'à un moment donné, il se passe des choses chez elle et elle a un état de conscience qui s'ouvre. Tu répètes la même phrase et elle fait soudain office de marteau dans sa tête. Pourtant, on l'a toujours dit. Mais la personne n'avait pas l'énergie pour la comprendre. À un moment donné, tu dis quelque chose et ça va te revenir parce que c'est... Tu as l'énergie maintenant... pour comprendre cette chose, donc tu vas t'en servir et ça peut même devenir un réflexe mental parce que là, ce que tu viens de dire, en tout cas, est un exemple mental. Donc, à un moment donné, tu as ça quand tu viens pour faire quelque chose. Ça te manipule pas à ne pas le faire. Ça te permet de te dire, je le fais-tu ou je le fais pas. C'est le réflexe mental. Il te laisse toujours l'opportunité d'agir, mais il t'avertit. Psychologiquement, tu agis face au réflexe mental et par après, tu dis j'ai bien fait ou tu dis ou ben non, tu dis je regrette. Le réflexe psychologique t'avertit. C'est toi, t'es ton seul maître. Alors, ce qui t'arrive, ce qui doit arriver à certains moments donnés, c'est que le niveau d'énergie augmentant, ben, à un moment donné, il y a des choses qui sont banales pour plusieurs, qui frappent pour d'autres. C'est normal. OK. Ben là, ça répond beaucoup à la question entre... vu que le titre, c'est la technique, une technique nouvelle, et il y a des choses, en fait, qui découlent peut-être d'une idée principale et qui ne sont plus des techniques, mais qui sont quand même réflexes mentaux. Le réflexe mental est une technique nouvelle. Cela peut se développer. Dans le PMC, on travaille sur ce développement. On le développe d'une façon efficace et par différentes pratiques, qui libèrent l'homme de la pratique collective, qui individualise ses propres choses. L'avantage du réflexe mental, c'est justement que même si on est 20 millions à avoir les mêmes réflexes mentaux, lorsque il se passe quelque chose, je suis juste averti qu'il se passe quelque chose. Et c'est à moi de faire ce que je veux faire. D'agir mal, d'agir bien, de réagir mal, de réagir bien, mais c'est à moi. Tout ce qu'il y a, c'est que je suis averti. C'est le réflexe mental. Alors donc, tu n'es pas assujetti à tout le monde. Moi, je sais, par exemple, que si un homme masqué rentre ici avec une mitraillette, qui commence à tirer au plafond un peu, puis qui décide qu'il veut dévaliser tout le monde, il va y avoir le même genre de réaction dans la salle. C'est le réflexe psychologique. Par contre, si chacun a été habitué à travailler avec des réflexes mentaux, c'est-à-dire que si ce genre de situation se présente, et pour le réflexe mental, c'est comme pour le réflexe psychologique, t'as pas besoin d'étudier chaque situation. Pour avoir peur, t'as pas besoin d'expérimenter tout ce qui fait peur pour après ça avoir peur de ce qui se passe. Hein? T'as peur quand ça arrive, quand c'est nouveau. Le réflexe mental, c'est la même chose. Tu ne t'habitues pas à réagir quand quelqu'un rentre avec une mitraillette. Après ça, faut que tu te pratiques avec un fusil mitrailleur, après ça avec un Colt, après ça, ben, c'est pas ça qui se passe. La personne rentre, si tout le monde a des réflexes mentaux, je ne peux pas prédire rien de ce que chacun va faire ici. Je ne sais pas. Le gars va rentrer, il va tirer. La réaction du monde, pas en tout ce qui s'attend. Lui, il est fait. Parce que lui, il va agir avec son réflexe psychologique, il comprendra pas ce qu'il parle. Puis chacun agit à sa manière parce que chacun est libre. Même si tout le monde a disons, pratiquer la même technique de réflexe mental, chacun est libre. Le réflexe fait juste lui dire, il voit tout, il comprend, il est prêt à faire quelque chose. Maintenant, c'est à lui de faire. Je peux crier, je peux paniquer, je peux monter après les lustres, je peux me cacher, je peux... n'importe quoi. Ou je peux... Le gars, il rentre, tout le monde met les tables à terre, tout le monde se garoche dessus puis il l'aplatit. Le gars, il s'attendait pas à ça. Est-ce qu'ils ont été entraînés? Absolument pas. C'est pas une technique de commando, c'est une technique de réflexe mental. Tu vois clair, t'agis. Bon, alors donc, c'est une technique, le réflexe mental. Ça se pratique, ça se développe, ça se cultive. Et à un moment donné, l'avantage du réflexe mental, c'est qu'on peut le faire taire quand ça nous tente. Ce qu'on peut difficilement avec le réflexe psychologique. Avec le réflexe psychologique, on doit hypnotiser, donner des médicaments, faire changer les idées, le temps va l'effacer, ou ben non, le temps va l'amplifier. On sait pas avec le réflexe psychologique ce qui se passe. Avec le réflexe mental, on le sait. Parce que le réflexe mental part d'un mécanisme logique. Dans un état de conscience particulière, donc selon un point de vue particulier par rapport à un événement particulier. Le réflexe psychologique n'est pas logique. Lui, c'est simplement un mécanisme d'expression par rapport à un événement quelconque. J'ai peur, pourquoi? Aucune idée. Parce que j'ai peur. Crème, j'ai vu un chien, il va me mordre, ça fait peur. C'est normal. Bon, alors c'est simplement ça. Le réflexe psychologique ne s'explique pas. Chaque fois que tu vois un chat, même sur une photo, tu commences à te gratter. C'est un réflexe psychologique qui se termine par une psychosomatose, par le corps physique. Peux-tu le contrôler? L'asthme est souvent relié à des réflexes psychologiques. Peux-tu le contrôler? Non. Le réflexe mental, facilement, parce que lorsque les coordonnées d'une action, d'un réflexe mental, ne concordent plus avec ta réalité, il peut plus apparaître. Prenons un réflexe psychologique, un réflexe mental. Quelqu'un arrive ou un événement se passe, le réflexe mental, disons, le plus privilégié au niveau du PMC, ça va être l'homme doit être son seul maître. Il se passe n'importe quoi, tu viens pour réagir, tu te sens mal, puis d'un coup, ça se déroule dedans ta tête. L'homme doit être son seul maître. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? On fait juste te le dire. C'est toi qui te le dis. Mais à un moment donné, tu te dis, non, c'est pas vrai, ça. L'homme doit pas être son seul maître. Là, tu analyses, puis tu dis, l'homme est son seul maître. Je suis mon seul maître. C'est différent. Ou l'homme est l'esclave parfait. Bon, tu décides ça. Tu vois clair que c'est ça. L'homme est l'esclave parfait. Alors un jour, il se passe quelque chose, puis ça part. L'homme est l'esclave parfait. Tu le changes facilement. Parce que si l'autre n'est plus logique pour ton état de conscience, il peut pas paraître. Le réflexe psychologique, il est relié à l'illogisme. Alors, l'homme étant dans l'illogisme presque continuel au niveau de sa psychologie, de son émotivité, il est toujours là. Le réflexe psychologique disparaît si l'homme le remplace par un réflexe mental qui doit être logique. Pas logique par rapport à moi, par rapport à la personne. C'est-tu intelligent de souffrir? Non, mais c'est normal. Je recommande. C'est-tu intelligent de souffrir? Pas savoir si c'est normal. Parce que si tu dis, ben oui, c'est intelligent, tout le monde le fait. Ça vient à ça, c'est normal. Crime, c'est pas ça être intelligent. Faut que tu arrives à comprendre une chose. De l'intelligence après, et tu peux t'en servir comme réflexe mental. C'est une technique de l'homme nouveau. Il y a plusieurs nouvelles techniques qui commencent à apparaître. Je ne vais pas tellement parler des techniques nouvelles, parce que parlant des techniques nouvelles, je vais parler surtout des techniques du PMC, et ça va être de la vente. Et comme d'ailleurs m'a déjà dit François, je suis un très mauvais vendeur. Le problème chez l'homme, c'est pas tellement les techniques nouvelles, c'est les techniques anciennes. Il y a des dangers, aujourd'hui, pour l'homme nouveau, de se servir de techniques anciennes. Il y a toujours eu des dangers pour l'homme nouveau d'un état temporel, en 1700, 1800, 1400, de se servir de techniques anciennes. Pour l'homme nouveau, pas pour le nouvel homme qui vient de naître, pas pour l'homme nouveau, ce que j'appelle l'homme nouveau, celui qui peut accepter des choses nouvelles. Pour l'homme du Verseau, présentement. Lorsqu'une personne prend une technique du passé et qu'elle s'en sert pour supposément augmenter son taux vibratoire, les techniques du passé ont présentement comme particularité fonctionnelle de permettre à l'homme de s'entretenir. C'est tout. Elles permettent à l'homme de ne pas rétrograder. Mais lorsqu'une personne s'est suffisamment entretenue pour commencer à être solide, puis être en forme, puis être en forme sur tous les plans, donc la technique la maintient, elle doit maintenant passer à une technique nouvelle. Et lorsqu'elle passe à la technique nouvelle, elle doit abandonner la vieille technique, sinon la technique nouvelle n'est pas adéquate, c'est pas la bonne. Je dis de temps en temps que lorsqu'une personne fait 5, 20 ans ou 10 ans du yoga, ce que le yoga lui apporte n'appartient pas à la personne parce que la personne est obligée de poursuivre son yoga pour avoir le résultat. Donc, ce qui est apporté appartient à la technique, n'appartient pas à l'homme qui pratique la technique. Et ça, c'est dangereux. Lorsque vous pratiquez quelque chose et qu'après un nombre de temps, vous le perfectionnez, vous êtes un maître de cette chose. Et pensez pas qu'un maître, c'est que vous devez être exactement comme un autre. Ça dépend des corps physiques. Mais lorsque vous le perfectionnez, vous l'avez, c'est parfait. C'est le temps maintenant de passer à quelque chose qui va vous amener plus en gardant ce que vous avez. Vous savez qu'il y a des techniques mentales qui permettent à l'homme de garder sa souplesse corporelle. Mais l'homme doit être souple corporellement avant d'entreprendre cette technique. Certains disent, l'énergie supramentale, lorsque je vais l'avoir, elle va purifier mon corps. Que je fume ou non, ça change rien. Sauf que de fortes... C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais ils sont rares en maudit ceux qui, en faisant des choses négatives, vont avoir l'énergie supramentale. Mais s'ils l'ont, ils règlent le problème. Mais la majorité, en réglant le problème, vont l'avoir. Et après, s'ils veulent recommencer pour faire du show-off, ça nuira pas. Ben, le même pouvoir boire du cyanure, si vous voulez. Buvez-en pas tout de suite en vous disant que l'énergie supramentale va vous sauver, vous sauvera pas. Les techniques ancestrales sont bonnes, je répète, pour entretenir des états, pour empêcher la rétrogradation. Le tantrisme, c'est l'une des techniques les plus dangereuses aujourd'hui et c'est l'une des rares qui ne permet même pas l'entretien. Elle permet la dégradation. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le tantrisme, c'est l'évolution, disons, par l'acte sexuel. Défini en gros, là. Mais de toute manière, lorsqu'il y a échange sexuel pour évoluer, quand on en fait régulièrement, là, qu'on en fait une doctrine, là, au niveau du tantrisme, au niveau de l'énergie vitale, au niveau de l'acte sexuel, présentement, c'est l'une des techniques de l'Antiquité qui dégrade l'individu. Elle empêche, sachez bien qu'à un moment donné, en Lémurie, et ça, que vous qu'on le sache ou non, on s'en fout, mais écoutez bien ceci, l'homme ne parlait pas et l'homme ne pensait pas. L'homme se divisait, l'homme se reproduisait asexuellement. Il n'avait pas besoin de copuler pour la reproduction. Par transpiration, par division, comme les amibes le font encore. D'ailleurs, l'homme ne ressemblait pas à nous autres, il ressemblait beaucoup plus à une amibe. À un moment donné, l'énergie vitale de l'homme, l'énergie de la vie, l'énergie éthérique dans certaines étymologies, l'énergie vitale, qui permet la création de la vie, a commencé à se diviser en deux. Et elle est montée vers le haut de l'homme pour créer le centre laryngé qui a ouvert la parole et qui a donné à l'homme la possibilité de créer par le verbe. Et elle a créé le cerveau de l'homme pour rendre l'homme intelligent. D'ailleurs, on parle de l'arbre du bien et du mal, c'est là que ça s'est passé. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'homme avait la moitié de sa capacité de reproduction. Il a donc dû s'unir à un autre être similaire à lui pour avoir 100% d'énergie pour pouvoir se reproduire. Et on a créé l'être sexué. Chaque fois que l'homme use trop de sa sexualité, parce que il y a un condensateur d'énergie au niveau des glandes sexuelles et au niveau des carrefours d'énergie sexuelle. Et ces condenseurs d'énergie se vident de temps en temps lorsque l'homme s'en sert. Et si on les vide trop et on se sert à les vider, ils doivent se remplir, ce qui élimine l'énergie pour le centre laryngé, ce qui ne développera pas la parole chez l'homme, et la parole ajuste la pensée, et ce qui ne développera pas le cerveau de l'homme. On parle de surhomme, on parle de phase cérébro-mutative. Les neurones vont muter. Tout le système des cellules gliales dans le cerveau humain va se transformer. Pour ça, l'homme a besoin d'énergie vitale. Et c'est pour ça que beaucoup d'écoles ont prôné la chasteté pour l'évolution. Il y a un équilibre entre les deux qui doit être atteint. Mais présentement, l'homme est en phase mutative. Alors, je ne parle pas de chasteté, mais... Le tantrisme, tout court, est présentement quelque chose qui empêche le développement du centre laryngé chez l'homme et du centre cérébral nouveau. Alors, c'est une technique ancienne la plus bonne. Les autres techniques, évidemment, si on parle de drogue comme technique ancestrale, la drogue aussi a des effets très rébarbatifs. La marijuana détruit les liaisons entre le corps astral de l'homme et l'homme. Donc, elle élimine lentement l'ego chez l'homme. Par contre, ce qui peut apparaître comme une phase évolutive, parce qu'on dit que l'ego devra tendre à disparaître. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que l'ego ne disparaît pas. L'ego, il est simplement transmuté en quelque chose d'autre, qui est projeté à l'extérieur de notre planète et qui va créer notre globe éthérique. Mais ça, on reviendra là-dessus. Prochaine conférence. La personne qui prend certaines drogues, la cocaïne, d'ailleurs, elle tue physiquement, elle détruit les cellules, disons, les neurones, elle fait plusieurs choses. Une personne qui en prend un petit peu de ce genre de drogue peut ne pas percevoir instantanément quelque chose chez lui. Mais il se transforme par apport de matière matérielle. Il reste donc assujetti à l'évolution de la drogue. La journée qu'on coupe la drogue, il sait évoluer, ce qui n'est pas intelligent. Le plan d'évolution de l'homme n'a pas été créé comme ça. Et en plus, il va attaquer soit son corps vital, et avant de s'en rendre compte, il peut en prendre pas mal, soit son corps astral, sa psychologie. La majorité des drogues, d'ailleurs, attaquent le corps astral. La personne devient frustrée, la personne devient colérique, la personne devient psychosée, névrosée. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. Elle peut devenir plus pacifique, ça change rien. Parce que si la paix qui vous habite appartient à l'héroïne est évoluée. Pas vous. Ça, c'est vachement important. Vous pratiquez une technique pendant un certain temps et la technique doit être améliorée, elle doit se transformer et elle doit être abandonnée. C'est un proverbe, ou comment tu disais tout à l'heure, un slogan, qu'une technique doit enseigner à l'homme comment se débarrasser d'elle. Lorsque vous en avez plus de besoin, pas lorsque vous la voulez plus, lorsque vous en avez plus de besoin, faut l'abandonner. Et là, c'est une technique qui a été intelligemment enseignée. Les techniques nouvelles libèrent l'homme, c'est-à-dire qu'elles amènent l'homme à être individuel. Elles forcent l'homme à se voir entre les deux yeux, lui et lui-même, et elles forcent l'homme à se prendre en main seul, sans qu'il ait à se jauger par rapport à un critère collectif. Et c'est pas encore compris. Même dans le programme Être contrôleur que moi je donne ici, il y a encore des personnes qui avancent et qui ne veulent pas croire qu'ils sont rendus où ils sont rendus. Et d'autres, ça va, et ils regardent la collectivité pour essayer de savoir où ce qu'ils sont. Et ça, c'est une erreur. Pas catastrophique, mais c'est une erreur. Dans les techniques de l'Antiquité, on y va toujours en groupe. Tout le monde pratique en groupe. Prenons le yoga, qui est une technique extraordinaire pour l'entretien. Elle ne développera pas l'homme plus haut qu'il est présentement, mais elle va l'empêcher de se dégrader. Mais faire 20 ans de technique d'entretien... Alors, mettons une parcelle d'énergie de plus et maintenant passons à la technique d'amélioration. Qui sont les techniques nouvelles? Lorsque la personne fait son yoga, est-ce que c'est nécessaire que tout le monde fasse en même temps les mêmes mouvements? C'est souvent comme ça que c'est enseigné. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait quelqu'un dans la classe pour diriger puis gérer les mouvements que les personnes ont appris? Faut pas. Alors, il reste une demi-heure au cours, alors vous faites des exercices de yoga, vous l'avez appris, vous savez quel état vous recherchez, vous savez tout ça, je m'en prends des hamburgers chez McDonald's, puis je reviens dans une demi-heure, puis je veux que tout le monde soit calme. Dans une école conventionnelle, ils vont dire, ben oui, on paye Christy, puis le prof, il s'en va. C'est ça le problème. Et la technique de yoga, vous la faites pour vous. Pas pour le prof, pas pour l'argent que vous avez investi, pas pour les autres, pour vous. Et au niveau PMC, on répète souvent que plus un exercice est fait lentement, mieux il est fait. Puis les retardataires sont les bienvenus. Cours est fini, dans le comptoir, cave, il continue. Aucun problème. Il continue. C'est parfait. C'est comme ça, faut que ça marche. Mais le yoga entretient. Mais à un moment donné, faut connaître le corps physique. Parce que la technique, et souvent les techniques qu'on a vues dans l'Antiquité, se faisaient par croyance. Vous adhérez. Ou vous n'adhérez pas. Mais à un moment donné, il faut comprendre pourquoi on fait quelque chose. Et ça, c'est nouveau chez l'homme. Avez-vous l'énergie de faire des mouvements particuliers? C'est beau. Avez-vous maintenant l'énergie de comprendre ce que ça l'amène chez vous? Parce que remarquez bien que la majorité de ceux qui sont inscrits dans des techniques ne savent pas ce que ça leur apporte. Ils savent juste ce que ça rapporte aux autres. C'est vrai, et c'est drôlement important. Oh, ça me rapporte, je me sens mieux. Oui, mais est-ce que tu comprends tout ce que ça te rapporte? Et ça, c'est mauditement important. Ben, je me sens mieux. Ton cœur, comment qu'il va? Ta respiration, comment qu'elle va? Ta transpiration, comment qu'elle va? Ton système endocrinien, le contrôle-tu plus? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Faut que vous, toucher à une technique nouvelle, vous devez apprendre en même temps ce qui se passe chez vous. C'est de l'enseignement comme on en fait dans les cégeps, dans les écoles secondaires ou dans les universités. Pas juste un passe-temps. Même si c'est le passe-temps favori. La technique nouvelle, elle permet, elle oblige l'homme à être seul, à être individuel. La technique nouvelle, elle fait travailler surtout le mental de l'homme de façon à ce que l'homme comprenne ce qu'il fait et le pourquoi il le fait. Comme technique nouvelle, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a un maudit paquet. Je peux vous donner des exemples comme la démarche flottante mentale, la démarche flottante physique, des techniques de respiration qui prônent non pas deux formes d'énergie vitale, le yin et le yang, mais trois formes, l'énergie yin, l'énergie dominale et l'énergie yang, qu'on ne connaît pas, mais qui existent. La personne qui, présentement, a un corps physique qui lui permet de capter facilement l'énergie yang et yin, par la respiration ou par la nourriture, par la bouche. Comment on capte? On suit des cours de yoga ou de respiration et on apprend à respirer. Comment ça marche? Savez-vous que lorsque vous respirez abdominalement, vous captez surtout par l'extrémité du nez de l'énergie solaire, Yann? Donc, lorsque vous allez chez un acupuncteur ou lorsque vous avez des brûlements d'estomac, une maladie Yann, trop de chaleur, comment vous respirez? Pour capter plus de Yann, pour que ça s'en empire? On va voir un acupuncteur qui nous ajuste. Mais si on comprend la mécanique, on va respirer par le système sous-clavière et qui permet une captation d'énergie yin qui est au niveau de la racine du nez. Et ça, dans le PMC, on fait une technique amusante. Je ne vais pas pratiquer ça ici là parce qu'on n'a pas nos peaux. Mais lorsque vous avez le rhume et vous avez des écoulements, ben vous avez simplement à renifler. Puis renifler avec l'abdomen, ça va remonter ici. Renifler avec le haut, puis vous allez sentir ça tirer en haut. Essayez pas d'expliquer ça physiquement, ça se peut pas. C'est le même conduit. Pratiquez, vous allez voir la différence. Mais lorsqu'on sait ce genre de choses, on le pratique. Et l'énergie hominale, qui n'existe presque pas à l'extérieur, mais qui existe chez l'homme et que l'homme doit récupérer, elle va surtout être captée par la respiration intercostale. Qu'il faut pratiquer. Là, je donnais une banalité au niveau du système respiratoire. C'est une technique RESCON que l'on se sert au niveau du PMC, mais c'est des techniques nouvelles. Yin-yang, c'est beau, mais il y a une énergie de synthèse, une énergie minale aussi, qui est la plus importante, c'est d'ailleurs elle qui permet la guérison par le magnétisme. On ne la connaît pas, on ne la connaissait pas, et lorsqu'on apprend des choses, on doit apprendre, l'apprendre de façon à comprendre pour qu'on puisse les mettre en pratique. Pas parce que mon prof m'a dit « fais-le faire trois fois par semaine ». C'est plus comme ça. Vous êtes assujetti à un professeur qui doit vous dire quand faire, qui doit vous pousser, qui doit vous motiver. C'est bien plate. Mais lorsque l'homme est debout, que l'homme apprend des choses, que l'homme comprend des choses, que le prof pratique ou pas, lui, il a compris. Lui, ça marche, lui, il fait. Ça, c'est important. Plus d'idoles, plus de culte, plus de pratique. Les techniques nouvelles, il y en a. Il y en a un maudit paquet. On arrive difficilement à les transmettre dans la collectivité parce que l'homme s'adresse surtout à des techniques qui ont fait leur preuve. À les techniques PCN, à les techniques ancestrales. Et ces techniques, je le répète, sont bonnes pour permettre l'entretien de l'homme. Elles ne permettent pas l'amélioration spectaculaire. Pas par rapport à la psychologie, là, une amélioration réelle de l'homme. Elles permettent l'entretien. Et c'est sûr qu'une personne va dire « Ouais, mais c'est pas vrai, moi j'en fais, je me suis amélioré. » C'est sûr. Dans quel état étais-tu quand tu as commencé? Ça t'a ramené à l'état que tu devrais être. Donc, tu vois une amélioration. C'est sûr. Mais l'amélioration se fait où? Combien parmi vous ont suivi des cours, ont lu, ont assisté à des séminaires, à des conférences, se sont promenés, ont visité des camps, ont fait bien des expériences et qui sont satisfaits réellement, pas de l'expérience, de l'amélioration que ça a apporté chez eux. L'expérience, psychologiquement, on peut en être satisfait. Il y a deux moyens que ça rapporte. observer pour prendre conscience s'il y a réellement eu une amélioration. Deuxièmement, observer s'il n'y en a pas eu pour savoir si c'est par rapport à la technique ou par rapport à soi. Mais généralement, l'homme se demande tout le temps pourquoi il avance pas rapidement. Ben, vous ne pouvez pas avancer rapidement si vous restez assujetti à des techniques ancestrales. Ces techniques-là permettent l'entretien. Et vous entretenir, c'est pas vous améliorer. L'homme nouveau doit faire maintenant des choses nouvelles. Si on prend, par exemple, un système qui permet à l'homme de bouger lentement son corps. Parce que l'évolution nouvelle se fait dans le corps physique, dans le corps vital, dans le corps psychologique astral, dans le corps mental. C'est très important. Et une technique nouvelle complète s'adresse évidemment à ces quatre plans-là. Lorsque vous dites « je pratique du yoga, je fais mes exercices lentement », il n'y a pas une seule école qui va vous montrer à le faire rapidement. Bon. Ou vous faites du tai chi, déplacement lent. Quel est votre critère pour juger que vous êtes dans une bonne vitesse? Quel est le critère vous permettant de savoir si ce que vous faites est correct? En prenant cette même technique et en faisant une technique nouvelle, de base, qui pourrait être améliorée par la suite, juste le fait de vous enseigner ce que nous recherchons, ce que biologiquement nous recherchons, ce qu'énergétiquement nous recherchons, ce qui doit se passer. Puis après ça, on vous dit, on vous montre la technique, puis on vous dit « bye, t'as plus besoin de nous autres ». C'est tout. Pratique. Regarde ce qui est recherché. Mais il y a plusieurs personnes qui prennent des techniques anciennes et qui les pratiquent longtemps sans jamais rien. J'ai rencontré des professeurs de yoga qui se demandent s'ils ne devraient pas faire d'autres choses aujourd'hui. Parce que ces personnes-là sont vieillies, sont faibles, sont manipulables d'une façon écœurante. Ils ont fait du yoga pendant 20 ans, pendant 30 ans. Il y en a qui ont été des précurseurs au Québec de cette technique, qui a été bonne pour l'homme, qui a été bonne pour l'homme, au niveau de l'amélioration, qui serait bonne pour l'entretien. Et ces personnes-là recherchent, se posent des questions, auraient besoin de quelque chose d'autre. Ils refusent les techniques nouvelles. L'homme nouveau doit faire extrêmement attention pour ne pas s'évertuer à étirer son temps d'évolution en pratiquant des techniques ancestrales qui ont prouvé dans l'Antiquité, avec des hommes adéquats, qu'elles étaient efficaces, mais qui aujourd'hui prouvent avec des hommes qui n'ont plus besoin de ces techniques parce que la génétique héréditaire évolutive a créé un homme nouveau. Elles ne sont plus bonnes pour améliorer. Alors, réellement, c'est important pour l'homme, et je dis pas ça pour. Je le dis simplement parce qu'à un moment donné, il va falloir que, pour commencer, qu'au Québec, qu'on se réveille. C'est un endroit propice à mettre des choses nouvelles. On en met de plus en plus. On va en mettre vachement prochainement avec, disons, le village of ça. C'est une place parfaite. Mais il faut absolument que l'homme commence à s'énergiser, à tenter des nouvelles choses. C'est pas sécurisant de tenter le nouveau, peut-être. Mais c'est mauditement efficace parce qu'on risque de trouver des choses qui sont nouvelles et qui fonctionnent. Parce que les choses de l'Antiquité, ça fait 20 000 personnes qui font du yoga, on fait du yoga. Faites-en du yoga pour vous entretenir. C'est comme si je vous dis, vous êtes malade. Pour évoluer votre corps physique, vous êtes faible, vous êtes rachitique. Bon, on vous donne une alimentation convenable, on vous fait faire des exercices convenables et à un moment donné, on fait de vous un sportif. Maintenant, c'est le temps de passer à un autre étage. Et il y a des techniques qui demandent moins d'énergie physique, parce qu'on doit maintenant en mettre au niveau de nos autres corps, qui entretiennent le corps physique, à la condition que le corps physique soit dans un état particulier d'entretien. Certains ont une psychologie, une volonté de faire quelque chose qui est incroyable, mais ils sont malades, puis ils n'arrivent pas à se guérir. C'est ça. Laissez faire votre volonté. Commencez par monter votre corps physique, reprenez votre volonté, votre corps ne retournera pas malade. Mais ça ne guérira pas. Il faut bien comprendre que ces techniques nouvelles, on doit les rechercher, on doit les créer. Si elles n'existent pas, vous devez faire des choses qui apportent des choses. Et une technique nouvelle est là comme critère de base qu'elle permet à l'homme qu'elle laisse libre l'homme de comprendre ce qu'elle fait chez lui, ce qu'elle amène chez lui, le pourquoi qu'elle fonctionne. Sinon, c'est une technique encore là qui obscurcit, là. Merci beaucoup, Daniel. Je vous rappelle, comme à toutes les semaines, que vous pouvez vous acquérir de la cassette qui vient de se terminer avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Et on prend une pause d'une vingtaine de minutes. Ceux qui ont des questions, vous les laissez comme d'habitude ici à l'avant. Merci beaucoup.